Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Guillaume Barbeau. Bonjour. Vous êtes co-créateur de la compagnie Coup de cœur, non Coup de poker, allez savoir, le coup de cœur c'est peut-être l'expression même de votre compagnie, avec Zoun Bess, bien ça? Oui. Et vous avez co-écrit et mis en scène le spectacle « Et si je n'avais jamais rencontré Jacques Higelin ?» Un spectacle qui va être présenté à plusieurs reprises à l'affiche de Point commun, la scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise, et plus particulièrement présenté dans les prochaines semaines dans le parc naturel régional du Vexin. Alors, le déclic, le départ de cette histoire, de cette rencontre, c'est une expression qu'on a tous entendue un jour ou l'autre, voire partagée. Il y a des rencontres qui changent une vie. Et là, je dois dire que pour une rencontre, elle a été essentielle avec Jacques Higelin. Pour, non pas vous, mais j'allais dire l'acteur qui va jouer sa propre vie sur scène, à savoir Zoun Bess. Oui, exactement, exactement. Avec Zoun, on a fait en fait plusieurs spectacles, un peu sur la même thématique finalement. Il n'y a peut-être pas qu'une, il y a peut-être plusieurs rencontres qui changent les vies, en tout cas ça dépend des parcours de chacun. En tout cas là, en tout cas même des rencontres artistiques, puisqu'il y avait aussi des rencontres familiales, des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, et j'ai l'impression que la rencontre artistique, elle mêle un peu tout ça. Pour lui, Jacques Higelin, c'est un peu comme une sorte de père adoptif, mais c'est aussi, il est tombé amoureux de la langue et de la musique, et puis c'est un peu comme un copain qui serait à ses côtés toute la vie, donc c'est comme si d'un coup les rencontres artistiques, elles mêlent un peu famille, amitié et amour mélangés. Et on avait fait un spectacle déjà sur Charles Trenet, parce qu'il est aussi tombé amoureux de Charles Trenet. Il faisait du punk, et du jour au lendemain, il a chanté du Charles Trenet dans les maisons de retraite. Donc on avait fait un spectacle là-dessus. Et puis en fait, à force de parler, la base de tout ça pour Zoun, c'est vraiment Jacques Higelin. D'ailleurs, c'est Jacques Higelin qui l'avait amené à Charles Trenet à l'époque. Et j'ai eu envie qu'il écrive sur ses 15 ans, quand il avait 15-16 ans, et que dans les années 70, il vivait dans un tout petit bled de Seine-et-Marne, là-bas, au fin fond du 77, et qu'il était le seul punk de son village, et qu'un jour, il rencontre l'autre punk possible du village, qui lui dit « Mais t'as déjà écouté du Jacques Higelin ?» Et d'un coup, il tombe raide mort d'amour comme ça pour Jacques Higelin en écoutant un disque, et ça va vraiment lui changer la vie, parce qu'il va rencontrer de nouveaux amis, une nouvelle famille, il va avoir plus de 300 concerts de Jacques Higelin, et ça va le poursuivre absolument toute sa vie jusqu'à aujourd'hui où il a 60 ans. Oui, alors il ne s'agit pas simplement d'un récit autobiographique, quoique, est-ce qu'on peut parler d'idolâtrie? Non, en tout cas on pourrait parler de ça, ou on pourrait parler de l'histoire d'un fan, mais en fait, là, le spectacle, ça raconte, j'ai l'impression, quelque chose d'un peu plus large et peut-être de plus universel encore, qui est comment, en fait, la poésie de Jacques Higelin, la philosophie de vie de Jacques Higelin, en fait, a été, à l'intérieur de Zoun, comment ça l'a bousculé dans sa vie, de ses 15 à ses 60 ans, et que même si, aujourd'hui, il écoute beaucoup moins de Jacques Higelin, et il n'a pas tous les albums de Jacques Higelin dans son salon 24 heures sur 24, comme il aurait pu le faire à ses 15 ans quand il était un fan, et ben Jacques Higelin, il est quand même au fond de sa poche, quoi. Il est au fond de son cœur, et ça le fait bouger, ça fait bouger les lignes, comme ça, dans un quotidien, dans un inconscient, et qu'il s'est rendu compte, a posteriori, que dans sa vie, bah, s'il a fait tel choix, s'il a eu son fils, s'il a fait tel choix amoureux, s'il a fait tel choix de vie, tel choix de métier, et ben, il y avait toujours un peu l'infusion comme ça de Jacques Higelin qui était présente. Oui, parce que les premières années, ça a été, comme vous le disiez, une forme de coup de foudre musical, mais qui a été bien au-delà du coup de foudre musical, puisque ça a eu une réelle influence pour changer à jamais toute son existence à Zoun Bess, qui se retrouve donc sur scène. Exactement, ouais. Et puis c'est que d'un seul coup, Zoun, il le raconte, il va vite être orphelin, il a perdu son papa, il perd sa maman, et puis d'un seul coup, tous ses amis sont des gens très différents, mais qui ont un point commun, c'est qu'ils aiment, ils adorent Jacques Higelin, donc il va se retrouver à faire plus de 300 concerts en 10 ans de Jacques Higelin. Et ça va lui donner envie de faire de la musique. Il va devenir chanteur et musicien à sa manière aussi, Zoun. Mais c'est aussi toute une bande d'amis qui vont lui sauver la vie. Il le dit, hein. Il dit « Jacques Higelin m'a sauvé la vie ». Parce que ça m'a sorti de la drogue, parce que ça m'a sorti d'une certaine forme de solitude, parce que ça m'a ouvert au monde, parce que ça m'a ouvert à prendre des risques, ça m'a ouvert à aller voir ailleurs, comme dit souvent Jacques Higelin, ça m'a ouvert à l'amour, et que voilà, on s'en rend peut-être pas compte au moment présent, mais aujourd'hui, quand il parle d'Higelin, il se rend compte qu'en fait, c'est ce qui lui a donné un prisme nouveau, une vision nouvelle du monde et de lui-même. Oui, parce que c'est toute une époque aussi qui défile sous le regard des spectateurs. Et pour parler des années 70, je disais, oui, toute une époque, une manière de vivre, une influence totale et permanente sur sa vie quotidienne. Exactement, bah oui, les années, il parle beaucoup des années 70, puis des années 80. Et voilà, ce parcours de vie, ce que je trouve beau, c'est que comme c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est, ça veut dire quoi en fait? Être punk à 15-20 ans, c'est une chose, mais il le dit dans le spectacle, il dit mais être punk à 30 ou à 40 ans, bah bien sûr qu'il change, il va se marier, il va avoir un enfant, il va se ranger, il va arrêter d'avoir la crête de toutes les couleurs, il va devenir plus normal, entre guillemets, et il va peut-être devenir celui qu'il n'aurait jamais voulu être quand il avait 15 ou 16 ans. Et en même temps, il continue à cultiver un peu cette insolence, cette façon d'être un petit peu décalé du monde et de la société. Et là, il l'a différemment, mais il l'a toujours aujourd'hui. Et moi, qui suis quand même beaucoup plus jeune que lui, je me demande vraiment si aujourd'hui, est-ce que être Jacques Higelin, c'est possible? Est-ce qu'on peut encore, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en 2021, être à cet endroit-là de poésie, de décalage, d'être hors norme? D'être comme était Jacques Higelin, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, donc on pose aussi cette question pour pas qu'elle soit simplement nostalgique ou un spectacle sur un passé révolu, mais plus sur ça voudrait dire quoi être punk dans l'âme aujourd'hui, mais de façon poétique. Oui, qui ne rêve pas, c'est la liberté totale aujourd'hui en 2021. Évidemment, la question, elle traverse effectivement et elle questionne toutes les générations, ceux et celles qui vont se retrouver dans ces années 60, 70, 80 et davantage de Jacques Higelin, ce qui est décédé pour mémoire en 2018. Donc c'est pas loin, c'est dans le temps. Il parle cet héritage-là. Il parle aussi aux plus jeunes générations. Bah, j'espère, en tout cas c'était vraiment le but. Le but n'est pas du tout de faire un spectacle déjà pour les fans de Jacques Higelin. Les fans de Jacques Higelin sont sûrement ravis de voir le spectacle. Mais moi par exemple, si je l'ai coécrit avec Zoun, moi j'aime Jacques Higelin, mais je connais en fait à peine Jacques Higelin par rapport à lui. Donc c'était intéressant dans le dialogue, dans l'écriture, de lui dire mais moi, celui qui m'a changé la vie, ou les chanteurs qui ont changé ma vie, ou les artistes qui ont changé ma vie, c'est pas Higelin, c'est d'autres. Il faut que je puisse moi me retrouver dans le spectacle que je mets moi-même en scène, de me dire bah en fait je peux mettre un autre mot valise que Jacques Higelin. Je sais pas, il y en a qui vont pouvoir mettre Michael Jackson, d'autres ils vont pouvoir mettre un rappeur, d'autres ils vont pouvoir mettre un DJ, mais en fait et finalement c'est là où c'est universel, c'est que chacun va pouvoir se reconnaître dans cette rencontre qu'il a eue personnelle. Et après j'espère que ça donnera envie pour ceux qui connaissent pas Higelin d'aller fouiller sur internet ou d'aller fouiller dans une médiathèque un disque, un bouquin sur Higelin et découvrir le poète qu'il était. Dans les notes d'intention du spectacle, vous indiquez « Higelin est comme un rappel qu'une autre vie est possible et sa force universelle, son regard unique sur le monde et le quotidien, son chant d'insoumis sont plus que nécessaires par les temps qui courent ». Là, ça résonne sacrément avec notre époque. Oui, et en plus, il faut savoir, enfin c'est un hasard, mais on l'a écrit, le spectacle, et je trouve que c'est un spectacle qu'on joue pour le moment pas dans les théâtres, qu'on joue tout sauf dans les théâtres, donc on va dans des lieux un peu incongrus, et là qu'on va aller en tournée justement avec la scène nationale, on va aller dans un bar, on va aller dans une salle municipale un peu vide, on va pas aller dans des théâtres et des boîtes noires, et on a écrit ça chez nous pendant le confinement, et c'était pas voulu, mais ça a encore plus résonné de cette envie de liberté, de chant d'insoumis, et de se dire ça veut dire quoi être insoumis aujourd'hui. Moi, je suis en train d'écrire en ce moment avec deux autres camarades un spectacle collectif autour de l'écologie. Je pars demain à Glasgow pour la COP26. Et voilà, il y en a tellement là des combats en ce moment à mener pour essayer de gagner un monde un peu meilleur et un peu de liberté. Et je pense que Higelin, il peut peut-être nous transmettre ça. C'est un de ses héritages. Alors, c'est à la fois un portrait. Je crois que vous aimez travailler justement et mettre en scène des portraits. On parle d'Higelin, mais c'est autant un portrait de Zoun, finalement. Oui, c'est même surtout, en fait, un portrait de Zoun. C'est pas du tout un spectacle biopique sur la vie de Jacques Higelin, mais vraiment un spectacle sur La vie de Zoun, moi, ce que j'aime dans les portraits, c'est d'aller vraiment dans l'intimité de quelqu'un. Et parce que j'ai l'impression que plus on veut partir de l'universel, plus on va arriver au cliché, alors que si on part comme ça juste de l'intime, on finira par l'universel. Et j'ai l'impression que plus on est intime, plus on est dans les détails de la vie de quelqu'un, plus en fait chacun on va pouvoir après s'y retrouver. Et là, c'est vraiment un spectacle sur Zoun et sur une époque et sur une traversée de vie et sur un regard possible de c'est quoi une rencontre artistique qui te change ta vie. Alors Higelin, on le surnommait de différents noms, le grand Jacques, le punk sans crête, également le poète des rockers et poète des temps modernes. On a tout dit de lui et toutes ces traversées pendant ces décennies-là, c'était aussi la langue qu'il maniait avec intensément de poésie et variable selon les époques. Tout ça, ça se retrouve, une forme de gouaille aussi à la Higelin qu'on va retrouver. Zoun, il a naturellement en fait cette gouaille-là, puis on fait entendre différents textes d'Higelin, alors c'est vraiment plus du théâtre que de la musique, ça finit par de la musique, mais sinon on entend des bouts de textes de Jacques Higelin tout du long pour entendre sa poésie, puis c'est ça qui rend aussi théâtral le spectacle, c'est qu'il y a une langue, quoi. Je pense que le théâtre c'est quand même le lieu de la langue et le lieu de la poésie, donc d'un seul coup on entend vraiment, je pense, la langue d'Higelin, et puis oui, cette gouaille naturelle, c'est marrant, mais Zoun, c'est quelqu'un, j'ai fait un spectacle sur Gainsbourg aussi avec lui, parce qu'il a un peu une tronche à la Gainsbourg, on dit toujours qu'il ressemble à Gainsbourg, mais il a une voix un peu à la Bachoum ou à la Arnaud, et puis en même temps il adore Jacques Higelin, donc il est de cette famille-là en tout cas. Donc on le retrouve via sa nature. En fait. Vous avez souhaité une scénographie légère pour presque déplacer ce spectacle dans tout lieu, dans les théâtres, mais pas que finalement. Une mise en scène effectivement avec des accessoires indispensables cependant pour matérialiser cette époque. Alors oui, l'idée c'est de pouvoir vraiment jouer partout, donc on a joué autant dans un appartement que dans un centre social, que dans une médiathèque, que dans un théâtre, que dans un parc, ou dans une scierie abandonnée, enfin on peut jouer à peu près partout, et l'idée c'est que Zoun en fait il arrive avec ses disques, avec ses vêtements d'époque, avec de quoi mettre du son, mais un peu comme si on rentrait dans son salon ou dans sa chambre d'adolescent, donc il amène les choses nécessaires pour raconter son histoire, un peu comme un conteur qui vient avec sa voiture et qui sort de sa voiture, sa petite maison de l'époque, et puis qui pose les vestiges d'une époque, de des années 70 jusqu'à aujourd'hui, et puis avec ça, il peut tout raconter. Je voudrais juste, avant de conclure et avant de signaler les dates de spectacle, citer Jacques Higelin qui parlait de ce chanson, parce qu'effectivement, je disais punk sans crête, poète des rockers, mais il a donné un héritage fantastique au monde de la chanson. Une chanson, disait-il, c'est populaire, il faut toucher l'émotion pure, où on ne l'atteint jamais par la force, ni par la démonstration, mais par l'abandon de soi, la confiance, l'approfondissement, en se laissant envahir, en cherchant à l'intérieur. Ça, c'était tout l'état d'esprit de Jacques Higelin et de ceux qui sont finalement dans cet héritage. Ouais, j'ai l'impression que, pour moi, je résume bien Jacques Higelin en disant que c'est de l'amour et de l'électricité. Ah, bien dit. Alors, trois occasions pour découvrir ce spectacle avec effectivement ce Zoun Bess sur scène. On a bien compris, ce n'est pas un simple interprète, c'est un acteur qui vit sa propre vie sur scène et qui nous la partage et qui nous fait découvrir aussi en défilant une quarantaine d'années finalement sous nos yeux. C'est à découvrir le vendredi 26 novembre à 20h30 à la salle Scheurer à Champagne-sur-Oise. Puis le samedi 27 novembre à 20h30 à la salle Jean Dréville à Vallon-Goujard. Et enfin le dimanche 28 novembre à 17h au Clos du Pétillon. C'est un restaurant qui se trouve sur la ville et la commune de Théméricourt dans le Vexin. Dernière chose, vous êtes déjà connu à Point Commun. Vous avez eu l'occasion de présenter d'autres spectacles qui sont à venir parce qu'il y a eu quelques annulations, je crois savoir, en particulier à Alabama Song. C'est ça, qui va être présenté en février 2022 au Centre culturel L'Imprévu à Saint-Ouen-l'Aumône. Exactement. L'année dernière, on devait présenter Anguille Souroche, mais qui a été annulé à cause du Covid. Et Alabama Song, qui a donc, lui, par contre, été décalé. Et voilà, au mois de février, exactement, c'est ça. Merci Guillaume Barbeau. On est impatient d'aller découvrir votre travail et surtout évidemment Zounbès sur scène pour ce travail particulier et vous à la mise en scène. J'ai pas cité toute l'équipe. Pierre-Marie Bréouep à la musique. Voilà, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.